Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Qui sait qui nous rappelle le titre de la risala qu'on étudie ensemble, et cette deuxième risala, notre deuxième cours, عندمن أصول الدعوة السلفية. C'est qui l'auteur عندك؟ Ahsan, Cheikh Abdussalam ibn Borges, rahmatullah alayhi. Et on avait lu ensemble, walillahi alhamd, al-muqaddimah. Il a expliqué fil muqaddimah, limadha il a écrit cette risala et l'importance de ses fondements. Qui c'est qui nous rappelle? Bikhtisar, Faddal. نعم أن البعض ينتسبون إلى السلفية سمن أبعد الناس عن هذا المنهج. Pour faire la différence, pour comprendre, est-ce que Fulan qui se dit أنه إلي على السنة, أنه إلي على السلفية, أنه يسوي أهل العلم, est-ce que c'est حق أم فقط c'est une prétention? Pour savoir, il faut connaître هذه الأصول. هذا سي امبورطون. كذلك من الشباب او بعض الشباب انحرفوا اي سون دي لسي هذا المنهج. لماذا؟ لانهم لا كومبرن با لا كونيس با. بعضهم يغتر بالخوارج عياذا بالله, وبعضهم يغتر بغيرهم من اهل الضلال. فكونيتر سي اصول سي مهم. واليوم نقرا ان شاء الله الاصل الاول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. Ça c'est le premier fondement, la première base. العناية بالعلم. Et là c'est en premier لأن هذا الدين il est fondé sur العلم. علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tu veux connaître le tawhid, t'es obligé d'apprendre. Tu veux connaître comment faire salat, t'es obligé d'apprendre. Tu veux connaître c'est quoi une bid'ah, c'est quoi une sunnah, t'es obligé d'apprendre. فلهذا قال الله جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله. Il a cité l'ilm avant shahada. لأن cette shahada, pour qu'elle soit valide, il faut du ilm. Dire une chose, dire cette shahada, la comprendre et l'appliquer. Amma la dire, thumma la contredire, bi shirk ou bi naqid min nawaqid al-islam, fala tanfa'. Falihada qala azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Et on avait expliqué hada fi dars al-usul al-thalath. Qala al-shaykh Abdussalam, rahmatullah alayhi, fi hina anna kathiran min al-jama'at al-islamiyya al-yawm منفلتة عن العلم الشرعي, وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي, فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم أهمية كبيرة. وهذا سي كلام جميل. أن تتخبغ الذي يعتني بالعلم الشرعي سي السني سي السلفي. أما الفرق الأخرى tu trouveras annahum ils ont un naqs kabir fi l'ilm. Et même ceux qui ont une inaya bil ilm, c'est pas à la tariqati salaf. On donne deux exemples. Jama'atu at-tabligh ad-dullal al-juhal. Ha'oula ils ont aucune inaya bil ilm. Al-khuruj al-khuruj, et ils prétendent faire da'wa, et wallahi wa'aduhum ils connaissent pas ma'na la ilaha illallah. Des choses de base, ils ont aucune connaissance. Ils se sont égarés. Pourquoi? Les anahum ne donnent aucune importance au ilm, et l'iyadu billah ils s'égarent hatta fi ilm al-tawhid wal-aqida. Ta'atharu bis-soufiyya. Pourquoi? Parce que c'est des juhal. T'as un deuxième groupe qu'on peut citer huna mathalan al-asha'ira. Ils ont de la inaya bil-ilm bil-lugha ila akhirih, lakin ils ne reviennent pas à salaf. Tu trouves ba'duhum sinin et il fait des efforts fi al-lugha, fi al-usul, fi al-mustalah, et il ne connaît pas aqidat al-salaf, il s'égare. Ça nous montre hada anna al-ilm c'est muhim, lakin comment étudier ce ilm c'est rubbama aham. Et Cheikh Abdussalam il va citer à la fin, et on lira ensemble inshallah, kalam al-Cheikh Saadi, il résume comment étudier et c'est muhim. Qala rahimahullah idh huwa al-rakiza والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. صحيح c'est l'asl. T'en as besoin tous les jours de l'ilm. Tu te réveilles, tu dois faire l'odo, tu dois dire des adhkar, tu dois faire salat al-fajr. Thumma dans la rue, t'en as besoin. Avec ta femme, t'en as besoin. Avec tes enfants, t'en as besoin. C'est asas al-hayat. C'est pour ça que plus insan il s'éloigne du ilm, plus il a une ressemblance avec al-Nasara, comme on a cité dans notre dars de sourate al-Fatiha. Qala rahimahullah فبناء الفرد وبناء المجتمع المجتمع c'est la communauté. الفرد c'est une personne. La personne elle a besoin et la communauté كذلك. قال لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل فقال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين تقدم معنا فعلم أنه لا إله إلا الله l'importance du علم قال ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم pourquoi il a cité ce أصل en premier lieu كما قال c'est la base de toute chose. Et vous avez remarqué que tout le monde prétend être sur le haq. As-Soufidi il est à la haq, Rafidi il est à la haq, Al-Kharidi il est à la haq, As-Sunni walillahi alhamdi il est à la haq, et il est vraiment à la haq. Mais c'est quoi qui fait la différence? C'est l'ilm al-shara'i. Celui qui est à la haq, c'est celui qui suit sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Celui qui suit hada tariq, il est à la haq. Celui qui ne le suit pas, il n'est pas à la haq. Comment le suivre? La bud min ilm. Tu ne peux pas suivre une chose que tu ignores. Ce n'est pas possible. La bud min ilm. Qala Cheikh Abdussalam. Wa kulluha subul matahat illa sabila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama qala allahu jalla jalaluh wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih wa la sabil إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق نعم كلام جميل فالصراط لواحد la vérité c'est qu'une voie il n'y a pas plusieurs كما قال عز وجل وأن هذا الصراط مستقيما vous avez remarqué que c'est cité au singulier صراط صراطي مستقيما c'est une voie un chemin ولا تتبع السبل ثم une mise en garde contre les voies égarées. Il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est cité au pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit As-Sabil, il a dit As-Subul, et les voies. Buniyat al-Tariq. Hada il appelle à son fikr, hada il appelle à un autre fikr. Plusieurs groupes, comme Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sataftariq hadi l'umma. Ala 73 firqa, kulluha fil nar, illa wahida. Vous remarquerez que dans ce hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré un al-haq. C'est un groupe, une voix, et les 72 autres groupes, c'est min al-dalal wal-inhiraf. Qala wa la sabil ila suluk sabil as-sunnah illa bil ilm. Hadi cette voix, on est tous d'accord, on a al-haq c'est le Coran, c'est le sunnah. Wallahi alhamd, tout le monde dit hada, même ba'd ahl al-bid'ah. Ils disent qu'il faut revenir au Coran et à la sunnah, lakin la bud min ilm. Al-khawarij inharafu kama ta'lamun, comme on a détaillé wallahi alhamd dans le cours qu'on a fait sur la secte des Khawarij, en argumentant avec des versets min al-Qur'an al-Karim. Pourquoi ils se sont égarés? Les annahum ma'tanou bil-ilm. Ils vivaient à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum. Sadat, hadhi l'umma. Les meilleurs de cette communauté, khayrun nas qarni, qala alayhi salatu wassalam. Ils les ont délaissés et ils se sont égarés. Fal-ilm, c'est ilm al-Qur'an wa sunnah ala fahmi al-Sahaba. C'est pas le Coran ou le Sunna comme je le comprends moi, ou comme tu le comprends toi, ou comme il le comprend Fulan. Là, Kitab ou le Sunna avec la compréhension de Salaf, la Bud. Ou illa, فالأشاعرة ils se sont égarés في باب الصفات et ils citent des versets. الخوارج نفس الشيء. المعتزلة نفس الشيء. هكذا جميع المبطلين ils s'égarent et ils argumentent avec des versets du Coran et des hadiths. لكن avec la compréhension de son شيخ ou de lui-même ou الهوى. قال ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ رحمه الله فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة وهما العلم النافع. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أي دي سسام أبوى أدعو إلى الله على بصيرة. J'appelle à Allah à la basira, à la ilm. Khassatan, celui qui veut faire al-da'wa. Walil asaf, on vit à une époque en al-inaya bil-ilm al-qalila. Et à cause de ça, ba'd al-nas, yatasaddaroun al-da'wa, ils se mettent en avant. Et yatakallamoun, wa ba'duhum ils écrivent, wa ba'duhum ils rajjah. Khassatan al-an avec le wasa'il. كثير من هؤلاء c'est derrière des écrans. لا يجلسون عند الناس. يعني ils n'ont pas le niveau. لا في مسجد ولا في غيره. لكن ما أدري. Ils préparent. Ils font des choses. ثم ينشرون. Et ça ouvre des portes de fitan. لماذا؟ لأنهم ما طلبوا العلم. Comment ils vont appeler une chose eux-mêmes ils n'ont pas appris cette chose. فمن أين جاءهم هذا العلم؟ العلم c'est بالطلب. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم بالتعلم. تأملوا قوله رضي الله عنه. إنما العلم بالتعلم أي العلم il faut faire des أسباب. أما واحد il est chez lui ثم du jour au lendemain c'est un داعي et il rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas et il rentre dans des polémiques نقاشات et il veut parler avec أهل البدع والضلال. هذا il n'a pas les outils pour, il n'a pas les épaules. والله il se fait du mal, il fait du mal à cette دعوة qu'il veut défendre كأن من كان. لأن العلم t'es obligé d'avoir fait des causes. Est-ce que واحد منا il s'avance à faire de la médecine et il n'a pas étudié? Abatan. Personne ne parle dans la médecine, vous avez remarqué? لماذا؟ لأن كل واحد il veut préserver sa santé. أما في العلم الشرعي فكثير من الناس ils n'ont pas de ورع. Tout le monde parle. Et le مصيبة أن quand tout le monde parle et بعضهم ils se mettent en avant, ils n'ont pas le niveau. بعض الناس ils reviennent à هؤلاء et ils délaissent أهل الحق والعلم. والله بعض الضلال. بعضهم ils ne savent même pas parler la langue arabe. والله ils ont plus de suiveurs dans ces réseaux sociaux que أهل العلم. Pourquoi? لماذا؟ لأنهم ils sont mis en avant et بعض الناس مساكين ils savent pas, ils pensent qu'ils sont على حق, ils les suivent et ils perdent leur temps. لأن أخي الكريم si tu écoutes le درس de cette personne et tu le suis et t'écoutes ses conférences فلان إلى آخره, t'auras plus le temps pour écouter un autre. T'as qu'un cœur. خاصة نحن notre rythme il est في الحقيقة il est ضعيف في العلم. Quand on écoute une heure, on lit une risale, on est tab. Enfin, ce moment, cette force, cette énergie, mets-la avec Ahl al-Haq, avec Ahl al-Ilm. Ne perds pas ton temps avec al-Dai'in. Al-I'timad ala al-Du'afa, c'est du Dha'af. Si tu t'accroches à Ha'ula al-Du'afa, tu auras du Dha'af. Lui-même, il est Dha'if, il va te donner que ses faiblesses. Amma, celui qui revient à Ahl al-Ilm, il fait des efforts en langue arabe, et il fait des efforts avec Ikhwan, ou hatta il apprend l'ilm. فالحمد لله سيستفيد علما وأخلاقا وثباتا وخبرة. أما بعضهم يزون دي مواقف يظنون أنها من الشجاعة في الحقيقة والله سيضعف لكن الله المستعان. قال يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. أثر جميل. قال في الحاشية انظر مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. انظروا pourquoi هؤلاء que ce soit l'imam Ahmed ou autre, min a'immat al-salaf, limadha ils ont atteint ce niveau? Yaqulun anna l'imam Ahmed rahimahullah, c'est un hafiz. Bima'na al-kalima annahu kana yahfiz akthar min alf hadith. Alf hadith, c'est un million. Imagine-toi, c'est quoi un million de hadith? Et son mousnad, c'est un dalil ala hada, rahmatullah alayhi. Limadha li'annahu il avait ce mabda, anna pour lui, Al-ilm, c'est plus important que manger et boire. C'est pour ça que ha'oula, il ne manquait pas de durus. Wallahi, yanquluna anna ba'd a'immat as-salaf, certains durus, il n'a pas manqué une assise pendant 40 ans, pendant 30 ans, ils sont mustamir. Ma'a ta'lamuna annahum, ils n'avaient pas le niveau de vie qu'on a. Et kadhalik, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils avaient beaucoup d'occupations. Lakin al-ilm, c'était la priorité. Et celui qui met l'ilm la priorité, Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Celui qui sa priorité c'est l'ilm, Allah il l'élève. Amma, on place le ilm en route de secours quand on a un peu de temps, le week-end, une petite demi-heure هنا وهنا, tant on ne sera pas أخي الكريم. فبابد من صراحة هذا العلم. Si on arrive à avoir au moins cette niya, après on a tous des faiblesses, لكن c'est le plus important. تأمل قول هذا الإمام لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. صحيح. Si tu manges une fois par jour, الحمد لله, deux fois c'est une نعمة. نحن في une époque c'est beaucoup plus. أما العلم, t'en as besoin à chaque fois. أحيانا t'es assis et مثلا ta femme elle a besoin de quelque chose. La بد من علم. أنت, tu dois faire quelque chose. T'as besoin de ilm. ربما tu sors une mu'amala. T'as besoin de ilm. Est-ce que c'est halal, haram? T'as besoin de chaque chose. أما الطعام والشراب, tu peux t'en passer des heures. ولله الحمد. قال ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان فرض على كل أحد وفرض كفاية. Avec ce premier asl qu'on vient de lire, ou le début, on sait que l'ilm c'est important, qu'il faut étudier chacun de nous. كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اعلم. Et on a déjà cité هذا ولكن هنا beaucoup de مسائل qu'on verra, on les a déjà vu ولله الحمد. لكن dans la répétition il y a une فائدة عظيمة. الملل c'est pas طيب في العلم. On répète حتى الحمد لله, c'est des choses qui sont acquises عندنا. فالعلم t'as deux catégories, فرض على كل أحد. بعض العلماء il appelle فرض الفرض فرض عين او الفرض العيني, اي c'est pour chacun. ومنه فرض كفاية, الفرض على الكفاية, او اي si une partie de la umma elle apprend ce ilm, فالحمد لله, les autres ils sont pas obligés de l'apprendre. قال اما الاول فهو الذي يقول فيه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الاصول الثلاثة اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. هذا سين بارتي دو الاصول الثلاثة. هذا العلم اللي اوبليغاتوار بور تو المون, معرفة الله. الله سبحانه وتعالى nous a créé pour العبادة. On doit connaître c'est qui Allah. Allah il a des noms, il a des صفات. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر من هذه الأسماء ومن هذه الصفات في كتابه العظيم. Le prophète sallam كذلك il a cité certains de ses noms et de ses attributs. On doit faire des efforts. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, on doit connaître ma'rifa. Et cette ma'rifa va faire monter l'iman بإذن الله عز وجل. هكذا معرفة دين الإسلام. كم من المسلمين الآن والله بعضهم. Et ça arrive, ils font des suffrages, ou ils posent des questions à Hayanan dans la rue. Fait بعض المجتمعات, wallah, ils leur demandent arcan al-islam wa ma yadroun. C'est un naqs kabir. Ils interrogent des musulmans sur arcan al-islam dans la rue. Et on t'a fait le test dans ton entourage. C'est quoi arcan al-islam? Après arcan al-iman, tu vas avoir des surprises. لماذا؟ لأنه il y a un ضعف et un taqsir kabir. Alors que d'autres questions sur des choses de dunya, kathirun minan nas y répondent. Pourquoi on revient toujours la priorité que l'imam Ahmed il a cité? Si cette chose pour toi c'est plus important que ta'am ou sharab, tu feras beaucoup d'efforts. Qala wa qad bayyana l'imam Ahmed rahimahullah ma yajib ala al-muslim an yata'allamahu fa qala yajib an yatluba min al-ilm yaqum bihi dinuh qila lahu mithlu ay shay قال الذي يسع لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. Ils ont demandé à l'imam Ahmed c'est quoi qui est obligatoire pour chaque musulman. فقال يطلب من العلم ما يقوم به دينه. جواب جميل. Est-ce que tu as besoin pour ton dîn? C'est obligatoire. فمثلا chacun de nous on fait al-wudu al-tahara pour al-salat. On doit apprendre. Tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu dois dire? Chacun de nous il fait salat, on doit apprendre. مثلاً واحد يبغى يفعل الحج، il a nié de faire le hajj. Il se prépare pour le hajj, que ce soit au niveau financier, au niveau administratif, il a akhri, kadhalik al-ilm. Vous avez remarqué que niveau financier, niveau papier, niveau administration, tout le monde est là. Prends l'exemple du hajj. Tu trouves, wa'aduhum, ils ont fait toutes les démarches, il arrive devant le Kaaba, ma yadri. Il ne sait pas quoi faire. Limada. Li'annahu, il y a un taqsir. Kadhalik al-mar'a, elle a besoin de certaines choses pour tahara. Des choses qui sont marsous, ça pour elle. Mais elle a besoin de savoir. Est-ce qu'elle peut faire salat amla? Est-ce qu'elle doit rattraper amla tous les ahkam? Ah, ce ilm, il est obligatoire pour tout le monde. Chacun par rapport à son besoin. Wahed, il a de l'argent. Il doit sortir le zakat. Il doit apprendre. Il doit demander. Wahed, il fait du commerce. Il y a des transactions. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est riba amla? Est-ce que c'est halal amla? Il doit apprendre. Il y a un commerçant. Wahakada. قال فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يباح وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك يجب أن يكون الإنسان عالما به. On a cité l'exemple في المعاملات le commerce. On a cité l'exemple في العبادات الحج et كذلك رمضان et كذلك ما يتعلق بالتوحيد. Et ça c'est مهم. Chaque musulman doit connaître معنى لا إله إلا الله. Il doit connaître les bases du tawhid, il doit connaître al-shirk pour s'en écarter, nawaqid al-islam pour être préservé bi idnillah. Chaque musulman hada wa su'al ahl al-ilm min al-ilm fa man sa'ala ahl al-ilm faqad istanara li dinihi wa fa'ala ma yajib alayhi. Hadi c'est une faida tayyiba, an demander au alim c'est min al-ilm, li anna ba'd an-nas ils savent pas lire, ba'd an-nas ils ont aucun contact avec l'ulama. Bardenas, ils ont des difficultés. Bardenas, ils ne peuvent pas rechercher, il n'a pas de livre, il ne sait pas comment faire. Il demande, c'est ça son niveau. Et c'est ça l'ilm pour lui. Comme قال عز وجل, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال, فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله سبحانه وتعالى, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. Ce ilm, il est obligatoire pour tout le monde. Ce que tu as besoin pour ton din, fais des efforts. S'il y a des doros, assiste. Des doros sur le tawhid, sur ma'na la ilaha illallah, sur nawaqid l'islam, sur l'aqida, des rasa'il de base, fil asma wa sifat, kal lum'a, kal wasitiyya. Tu dois assister, akhil karim. Celui qui ne peut pas assister, alhamdulillah, on vit à une époque, al wasa'il, c'est sur ça qu'on doit, nous doit profiter, internet, c'est hada. T'as besoin, le ilm c'est obligatoire, tu peux pas assister, alhamdulillah, tu télécharges ce cours et t'écoutes. Et tu notes les fawa et tu seras à la khayl. Celui qui peut pas, il n'y a pas d'assises, il peut pas écouter de doros, ma'ana, tout le monde peut écouter. Lakin, celui qui peut pas, dans une mas'ala, il demande. Il demande, s'il connaît wahid, qu'il connaît un savant, un shir, il demande. Et on refait le tambih, tu demandes pas n'importe qui. C'est pas toutes les questions qui sont posées à tout le monde. Il y a des questions, c'est pour ahl al-ilm. Des questions importantes. Maintenant, des questions sur le divorce, demande pas à n'importe qui. Le divorce, c'est une mas'ala azim. Enfin, Rubama, il y a une rupture entre cet homme et cette femme. Rubama, il y a des enfants. Rubama, il y a des biens énormes en jeu. Ça peut être une maison, ça peut être. Wahid, il vient et il connaît rien. Il entend, il se précipite. Wayatakallam. On ne fait pas l'erreur, nous. On ne tend pas l'oreille à n'importe qui et on ne demande pas à n'importe qui. Qala wa amma thani. Deuxième point. وهو فرض الكفاية من العلم فهو ما دون ذلك والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا علم فرض على الكفاية أو فرض كفاية. C'est pas pour tout le monde. أي c'est pas obligatoire pour tout le monde. وإلا celui qui fait des efforts في هذا فإلى على خير. كما قال الشيخ هنا أنه سأفضل من النوافل. Celui qui s'occupe avec l'ilm, c'est afdal min an-nawafil. Ne pas comprendre de hada an al-insan yajtahid fi l'ilm, ça devient talib ilm, et il donne aucune part de son temps aux ibadat. Là, lakin, s'il fait des efforts et ça lui prend du temps, et il est majroul bil ilm, fa inshallah, il est à la khayr. Al-haqiqa, il est fi jihad, comme a dit بعض السلف. Celui qui fait talab al-ilm, il est fait jihad. Il montre aux gens, il met en garde contre ahl al-shar, wal-bida'a, wal-dalal, wal-kufr. Il est fait jihad azim. كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال تعلم العلم تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد أي كتاب التوحيد ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذه من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاتها. بعد الصنبي رحمة الله عليه المملكة العربية السعودية أنه حتى بعض كبار السن فصلنا نمونتر أن العلم سي با ريزيرفي بور ان سيغتان آج. بعضهم يديز لكن أنا جبي بلو دروج جات ان سيغتان آج. لا، تأمل هؤلاء كبار السن إذا بعطنا ان آج افونسي في المملكة لكن تأثروا بهذه الدعوة المباركة إيز أبخون إلى يومنا هذا إيز أبخون أصول ثلاث باركير كتاب توحيد باركير سا شونجي المجتمع. لا تظن أن هذا الأمن كي في المملكة في السعودية سي لارجون سي والله سي هذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى أكرمهم وفضلهم على كثير من الناس أفكس الدعوة، دعوة التوحيد، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن التركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية، فحفظها الله فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار. لهذا تتخوف هناك ولله الحمد يبقى الشرك الأمن. Tu trouves que tirun min al-nas, ils ont des bases dans leur dîn. Et ils sont loin des khurafat, comme dans certains pays. Les sorciers, la superstition, la tiyara, tout ça, ils sont loin, walillahi alhamd. Les fruits de cette da'wa. Lakin la tadun anna hada, c'est venu avec l'argent ou du jour au lendemain. Jihadun kabir. Cheikh al-Islam, il a fait des sacrifices, sinin. Kitab al-Tawhid, rahmatullah alayhi, il le finissait, il le recommençait, sinin. Dans son masjid. Usul al-Thalat. Tellement qu'il avait de la inaya bi qawmi, il a écrit une version de Al-Usul al-Thalat bi al-Lahja al-Amiya. Et elle a imprimé Usul al-Thalat avec leur langue, bi al-Amiya, pas en arabe littéraire. Hatta tout le monde y stabide. Ça nous montre que le but c'est de le faire parvenir aux gens. Sans mukhalafa, bien sûr. Fastafadu, jiddan. Qala. العامة وطلبة العلم كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار وكثير من كبار السن الموجودين الآن، وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه الدولة نقية من أدران البدع. الأدران أي الأوساخ c'est de la saleté. البدعة بدعة c'est de la saleté. Pour la purifier, la nettoyer, c'est العلم. قال فلو لم يكن العام على علم بعقيدتهم لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات كما هو حاصل في بلدان كثيرة. Pour se préserver هذا العلم et ça commence dès le plus jeune âge. فلهذا on doit faire des efforts نحن في العلم et كذلك ceux qui sont sous notre responsabilité خاصة les enfants. ولكن العلم حصن حصين ودرع متين من تحصن فيه وقي شرا كثيرا. Si on veut الأمن والأمان, si on veut avoir une vie طيبة pour nous, pour nos enfants, c'est pas avec l'argent. L'argent c'est un moyen فقط. لكن السبب الرئيسي et la source principale c'est propager هذا العلم. قال والطريق التي ينال بها العلم يصعب أن نحددها بحيث إن كل شخص يكون ملزما باتباعها، ولكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. Et c'est ce qu'on répète souvent, أن هذا العلم n'étudie pas l'ilm tout seul. N'essaie pas de comprendre des choses tout seul. N'essaie pas de te faire un programme tout seul. لا. الحمد لله العلماء ils ont écrit des متون. Et c'est une ni'ma min ni'am illahi azza wa jalla. Un matn, c'est un petit livret, un al-ulama, il rassemble dans une matière beaucoup de preuves et c'est un programme pour toi. Tu commences par le début et tu finis livre après livre. C'est comme ça qu'on apprend l'ilm. Amma wahid, il écoute un peu huna, thumma il lit une risala le début, thumma il ferme, thumma il écoute un audio, thumma il finit pas. Il n'avancera pas fil l'ilm. Al-ilm, c'est une ni'ma, lakin il y a une manhajiyya. Et on en a déjà parlé ensemble. On avait, on avait, avec un autre groupe avant, on avait étudié Al-Manhajiyya fi Talab al-Ilm. On avait détaillé, Walillahi al-Hamd, en prenant min kalam ahli al-Ilm, Walillahi al-Hamd. كذلك on avait lu مع بعض الإخوان هنا une رسالة طيبة في هذا الباب وننصح الجميع بقراءتها de Sheikh Sa'di رحمة الله عليه آداب المعلمين والمتعلمين. Il y a un comportement à avoir pour le muallim ou le mutaallim. Il y a une manhajiyya. Il a cité Kalam Jamil. Ça t'évitera la perte de temps. Ça t'évitera de tourner en rond. Ça t'évitera, bi'idnillahi azza wa jal, de désespérer. Ma baluk, anta akhi al-karim, si demain, on te dit maintenant, ya akhi, tu dois voyager à telle ville, et personne ne te montre la route et tu ne connais pas. Et on te dit, tu dois y aller. Anta, tu prends la décision d'y aller. Robama, tu vas te perdre, tu vas, au lieu d'arriver au bout de 24 heures, Robama, tu vas mettre une semaine, et Robama, il va t'arriver certaines choses, Robama, tu fais demi-tour, tu n'arrives pas. Hakad al-ilm. Vous avez remarqué que Ba'aduhum, ils tournent en rond. Ce n'est pas de leur faute. Ba'aduhum, ils veulent, mais personne ne leur montre. Celui qu'Allah il a wuffaq, il doit faire des efforts. Robama, une nasiha, ishara, ça va aider ton frère. Et Robama, ça devient un talib ilm, mais sabab hadihi nasiha. Vous avez remarqué que certains, ils avancent fil ilm, thumma ils lâchent. Comme un voyageur. Il n'a plus de provision, il n'a plus de force, il lâche. Il ne tlope plus l'ilm. Ba'aduhum, un livre, normalement, qu'on doit faire en un mois, Robama, deux ans, et il est encore dans ce livre. Il y a des choses, il y a des obstacles. Kadali qu'on avait lu, ma ikhwanina, une deuxième risala qu'on conseille. عوائق طلب العلم de Cheikh عبد السلام رحمة الله عليه ابن برجس une رسالة نافعة فتستفيد من هذا. Tu dois avoir deux choses au départ, c'est tes provisions avant de t'engager في العلم. أولا apprends le منهجية. Si on compare un voyage, c'est comme un plan. الطريق elle est claire, tu dois commencer par là, Thomas tu dois passer par là jusqu'à Inch'Allah t'arrives à un bon niveau. Deuxième provision, tu dois connaître, est-ce qu'il y a des obstacles à la tariq, à l'awa'iq, le pluriel de a'iq. Il y a des obstacles. Tu verras qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ad-dunya, ahl al-bida', le fait de ne pas être organisé, de ne pas venir à l'heure, de ne pas respecter son shir, tout ça c'est des obstacles qui t'écarteront de l'ilm. Tu dois apprendre comment avancer fil ilm avec un comportement et des choses tu dois t'écarter. Celui qui a ces deux choses avec l'ikhlas, et il reste à sa place. Et كذلك ملازمة أهل الخير, il se mélange pas avec n'importe qui, لأن جليس ربما يتكخف. Et c'est من العوائق. Et il revient à أهل العلم et il se précipite pas. Et كذلك il veut pas le fruit directement. بعضهم ربما il avance pas لأنه يستعجل الثمرة. Il a étudié un mois, deux mois, il veut des résultats. لا أخي, ça demande du temps. La parole qu'on va lire l'un de Cheikh Sa'di, et on conclut le dars bihada, il va résumer comment étudier l'ilm. Qala, rahmatullah alayhi, ayy Cheikh Sa'di, kama fi fatawi, wa ta'yin ma yashtaghilu bihi, ayy al-talib min al-kutub yakhtalif bi-ikhtilaf al-ahwal wal-buldan. Awalan, on n'est pas tous au même niveau. Et ça c'est une erreur que certains font, annahu yatlab l'ilm, il voit son frère, mathalan, yahfad fi kitab al-tawhid, peut-être que c'est pas encore de son niveau, il se précipite, il veut faire comme lui. Là, peut-être que toi, il faudra que tu commences par la langue arabe. T'apprennes les lettres de l'alphabet. T'as un minimum en langue arabe. Hatta tu pourras lire et apprendre ce maintenant. Si tu sais pas le lire, comment tu vas l'apprendre? Kadhalik al-buldan. Dans certains pays, ils vont accentuer dans telle chose, dans d'autres, dans telle chose. Maintenant, dans certains pays, ce maintenant, il est plus propagé. Dans celui-là, il est plus propagé. Al-muhim, c'est que Al-Mad, ce livre, ou cette assise ou autre, c'est à la sunna. Qala, wal-hal, wal-hala, al-taqribiya fi nazarina hada. Al-an, Cheikh Sa'di, son kalam, il est jamil, et ça montre que c'est un faqih, c'est un imam. Alors, avant de citer une réponse, il a déjà montré, c'est pas pareil pour tout le monde. Al-an, il va citer un programme, et fil-haqiqa, ça pourra diverger, tu pourras rajouter des choses, enlever certaines choses, ça dépend de ton cas. Lakin, في الحقيقة سي بون باز. أولا قال أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به. أولا tu vas commencer par étudier at-tawhid, مثلاً. Fais des efforts pour apprendre un matn fi hadha al-bab. Ne reste pas sans hifd. Ton ilm sera très très faible. Tu oublieras très vite et ça ne sera pas faible. À chaque fois que tu rentres dans une matière, tu vas rentrer, مثلاً, tu veux apprendre ilm at-tawhid. Tu demandes à ton mudarris un matn. مثلاً, vous allez étudier ensemble. Nawaqid al-islam, tu l'apprends. Pourquoi ? Ce matn, ça va être ta base. Toute ta vie, tu auras une base, tu auras appris par cœur. Tout ce que tu vas voir plus tard, ça sera par rapport à ce matin. Tu vas rajouter, tu vas expliquer, tu vas détailler. Tu as une base. Un mawahid, il étudie l'ilm un peu de nawaqid l'islam. Il ferme, il est un peu l'ouastiya, il ferme. Il est un peu tafsir le Coran. 6 mois, il n'a rien appris par cœur. Au bout de 6 mois, pose-lui une question sur la première page du premier livre. Robama, il ne pourra pas répondre. Il y en a l'ilm, il n'est pas organisé. Qala Cheikh Saadi. Fa'in ta'adhara ou قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. فائدة. Tu peux avoir un frère ou une sœur, ils ont un problème avec le hifz, ça arrive. Il ne peut pas. Surtout, ce n'est pas sa langue maternelle, il est ta'ab. Ne désespère pas, répète. Ihfad. C'est que le début, c'est dur, après ça vient. Et parfois ça arrive à une longue durée, il n'arrive toujours pas à apprendre. Cheikh Saadi rahmatullah alayhi fait hadal hal yaqul, il répète souvent. Tu n'arrives pas à retenir, lis souvent. Mathalan, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'oun al-Nawawiya, tu les lis souvent. Tu n'arrives pas à l'apprendre par cœur. Qadr Allah, et عند Allah subhanahu wa ta'ala, t'as l'ajr, t'as une bonne niya, t'as essayé, répète souvent. Tous les jours, mathalan, tu lis 5 hadiths, 10 hadiths, ni'ma. La lecture te récompensera et tu verras que le hadith, tu vas le retenir à force. قال الشيخ رحمه الله ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. Vous avez compris hein, la méthodologie. Le أصل مثلا il أحفظ. On donne un exemple, un autre exemple. في العقيدة il أحفظ الواسطية. C'est la base. أو الطحاوية. Le متن c'est la base. On dit أحفظ الواسطية. Il va apprendre beaucoup d'adillah. Fi sifat al-wajh, fi sifat al-nuzul. Il va apprendre des adillah fi yawm al-qiyamah, sur le jannah, sur le nar, ila akhir. Tous les livres qu'il fera après, ça va lui détailler ce matin. Enfin, il a une base. Matalan, il connaîtra par cœur le dalil sur Allah, il a 2 mains, azza wa jal. Qala subhanahu bal yadahu mabsutatan. Il a une base. Limadha lianna il ahfad. Tout ce qu'il va voir maintenant dans le charh al-tahawiyya, les détails, ar-rudud 'ala ahli al-bid'ah, il a une base. Il sait déjà que Allah il a 2 mains, il a un dalil. Il pourra comprendre les rudud 'ala ahli al-bid'ah, ar-rudud 'ala ahli al-bid'ah. Amma wahid directement yaqfaz. Il veut lire kutub shaykh al-islam, il veut lire charh al-tahawiyya, ar-rudud 'ala al-ash'ira, 'ala al-mu'tazila, 'ala al-jahmiyya, il a pas la bonne base. Il va pas stafed. Bal rubbama al-masa'il taltabiz 'alayhi, et il dit des choses qui contredisent as-sunnah wa manhaj as-salaf. قال رحمه الله فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ محمد أي ابن عبد الوهاب رحمه الله وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب ومختصر المقنع يعني الزاد زاد المستقنع تساس في مذهب الإمام أحمد لأن الشيخ سعدي رحمة الله عليه في المملكة العربية السعودية للليفر كي سون يتوجي في الفقه على مذهب الإمام أحمد قال وفي الحديث بلوغ المرام نحن نكون سي في الفقه pour nos frères عمدة الأحكام il est نافع c'est des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 420 حديث أو 423 et il est نافع جدا et celui qui peut بلوغ المرام أحسن قال وفي النحو الأجرومية واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب أو كتب فنها فإنها كالشرح لها زي في الطريقة أمت ثم لدروس ثم quand tu auras atteint un certain niveau tu vas lire des livres qui seront plus vastes qui vont t'expliquer cette base que t'as. Inch'Allah quelques années tu seras à la khair. Tout ça avec ikhlas, avec istimrar, avec sabr. الإنسان يسكت الفتن والقيل والقال ومجالسة الضائعين إيه بإذن الله سلبيك الله يوفق يحصل على خير كثير قال وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشرح لها لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها l'importance de l'أصول والشيخ سعدي له une célèbre phrase qu'on va lire قال وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار ومن ضيع الاصول حرم الوصول. Celui qui donne pas l'importance à l'usul, al-usul jam'u asl, les fondements, حرم الوصول. Al-usul ça vient de wasala, est l'arrivée. Si tu as des mauvaises bases, tu n'arriveras pas. هكذا العلم هكذا المنهجية. T'as pas d'autre solution. Donc, donner de l'importance au hifz, la mémorisation. Donner de l'importance au durus. Se concentrer sur le livre que tu fais. C'est pas min al-manhajiyya al-sahiha de s'éparpiller. Là, tu fais avec ton mudarris un livre, concentre-toi. Hatta si tu viens en dors, si tu poses une question, tu réponds. Thumma, quand t'as fini, inshallah, un deuxième livre. Amma, se mélanger et lire, huna, écouter, huna, ça te perturbera. Et c'est pas comme ça qu'on apprend l'ilm. قال الشيخ ومن ضيع الأصول حرم الوصول فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه. Et ce point il est important. Tout ce qu'il a cité l'un c'est des asbab. والموفق من وفقه الله. Toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala. قال واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه. Ne crois pas que c'est tes efforts qui feront de toi un alim ou un talib ilm ou ton intelligence ou tout ça c'est biyadillah subhanahu wa ta'ala. Lakin nahnu ma'mourun bi akhdh al-asbab. On doit faire les causes. Lakin une cause c'est une cause. Al-i'timad li 'ala Allah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ar-rizq huna c'est pas que la nourriture. Ar-rizq c'est kadhalik al-ilm. C'est le huda. Celui qui craint Allah, il fait du'a. Kadhalik ayyuha talib, si tu veux avancer, écarte-toi des ma'asi. Écarte-toi des péchés. Les péchés, ça fait beaucoup de mal. Lianna hadha al-ilm nour. C'est un nour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas ce nour à un asi. Khassatan, il ne veut pas faire tawbah. Il continue. Et il est régulier fait le ma'asiya. Sallallahu alayhi wa thabat. Qala. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق النافع فاتت عليه الأوقات. Celui qui suit pas ce genre de programme, il a pas de manhajia, il tourne en rond, il est éparpillé. قال فاتت عليه الأوقات. Il va perdre énormément de temps. Ce qu'un talib ilm il le fait en un mois, il va le faire en un an. Wallah ici c'est pas plus. Un mois d'un talib ilm, probablement c'est un an ou deux ans ou plus de wahed qui n'a pas une bonne méthode. Il va tourner en rond. Qala, wa lam yudrik illa al-ana, al-ta'b. Il va se fatiguer. Il va se fatiguer. Lianna al-insan, il est hakada. Quand il ne voit pas de résultat, il est ta'b. Probablement yafshal. Probablement six mois, il n'a pas encore appris summat mukhtasar par cœur. Kadhalik al-inaya bil-Qur'an. On précise. قال كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة انتهى كلامه رحمه الله كما هو معروف. Pourquoi c'est important de revenir à أهل العلم يا إخوان؟ لأن الله أمرنا بذلك. الله nous a ordonné هذا. كذلك لأنهم عندهم هذه التجربة l'expérience. Cheikh Saadi رحمة الله عليه il a eu des milliers d'élèves, il a écrit des dizaines de livres, il a enseigné des centaines de livres. Il a de l'expérience. Il est passé. Les erreurs que nous on fait, les a fait au départ. Ouais. Il est passé. Il était jeune. Il a arrêté. L'expérience qu'il a acquise, rahmatullah alayhi, il te fait profiter. Va hakada revenir à l'ulama. L'alim, il va te simplifier le tariq. Maintenant, il va te dire, délaisse hada. Ne perds pas ton temps avec ce livre. Fais kada. Anta, tu prends. Alhamdulillah, c'est jahiz. Amma, tout seul, tu vas faire toutes les erreurs. Allah alam, est-ce qu'à la fin, tu vas être encore là? Amla. Hada. Va revenir à Ahl al-Ilm, c'est muhim, et on détaillera ce point, inshallah, dans un des fondements que Cheikh Abd Salam il a cité. Nas'alullah Azza wa Jal al-thabat wa naktafi bihadha al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.